Gare d'Aïa, Hôtel des Dunes, 1er août 1981, 23h40. Sur le toit, on respira mieux. L'air du désert est pur. Regardez les dunes. Avec la lumière de la lune, on dirait un décor de film en carton-pâte. C'est magnifique. On peut s'asseoir là, non? J'ai un peu froid. Buvez un peu de vin. On n'a encore rien trouvé de plus efficace pour se réchauffer. C'est du gris d'Aboukia. J'ai trouvé que ça dans le bar d'Ibrahim. Alors, ça vous dit de vous asseoir? Oui, pourquoi pas. Ça me fait du bien d'être là. Ça me rappelle mon enfance. J'espère que vous n'avez rien contre la piquette. Tenez. Ma famille venait de Constantine. Mon père est mort en Algérie. Il me reste juste des cousins ici. Ma mère et mes frères sont en région parisienne. Moi, j'ai perdu ma mère il y a 2 ans. Elle était malade. Elle est morte en 6 mois. Elle était consciente de tout ce qui lui arrivait. Je crois que je me remettrai jamais de sa main. On s'en remet jamais vraiment. J'ai presque pas connu mon père. Il est mort quand j'étais gamin. Je suis désolée. Sa mort, je l'associe à mon départ d'Algérie. Ma mère voulait autre chose pour nous. On est arrivé à Paris quand j'avais 9 ans. Enfin, Paris. Vous connaissez la banlieue nord? Pas vraiment. J'ai grandi avec ma mère et mes 2 frères dans un tout petit appartement, derrière la porte de Saint-Ouen. On dormait tous les 4 dans la chambre. On était plutôt heureux. Même si à l'école j'étais un arabe avant d'être un copain de classe. Au lycée, puis surtout à la fac, les choses ont changé. J'ai découvert Frantz Fanon, des auteurs de la décolonisation, et puis Foucault et bien sûr Marx. J'ai commencé à militer à l'UEC, l'Union des étudiants communistes. Les AG, les débats, les collages d'affiches. J'ai eu l'impression d'avoir trouvé ma place. Vous faites de la politique. Je vous vois mal là-dedans. Disons que je mène un combat personnel et que la politique m'aide à le canaliser. Ibrahim nous en voudra pas si on finit la bouteille. Vous pouvez y aller franchement. C'est vrai qu'il est pas bon. Mais ça fait du bien. Et ça fait du bien de discuter. Et vous? Vos premières années? J'ai grandi coupée du monde, dans un pays qui n'était pas le mien. Ici, en Algérie. Enfant, déjà, j'étais une solitaire. Je suis fille unique et j'ai jamais eu d'amis de mon âge. Mais la solitude me convient. Je crois. Et votre boulot à Gaz de France? Je côtoie très peu mes collègues. Je suis souvent en déplacement. Toujours dans des trous perdus comme ici? Mon métier demande beaucoup de renoncement. Accepter de mettre sa vie privée au second plan. Il n'y a pas assez de temps, pas assez de place pour autre chose. Au fond, je suis un peu comme vous, au milieu de tout ce désert. Je fais le point. Vous partez quand pour la raffinerie de Sonatrach? Il arrivera un jour, votre collègue? On s'habitue à ce vin. À la vôtre, Psaha. Psaha. Au désert. On peut peut-être se tutoyer maintenant qu'on a partagé le désert. Comme tu veux. Paris, cimetière du Montparnasse. 3 août 1981, 10h. Hector Créange. Nous garderons tous à l'esprit cette noble et haute silhouette que l'on aimait à croiser dans les sommets internationaux. Fin causeur, habile bretteur, bon joueur, il incarnait mieux que quiconque l'esprit français. Hector Créange avait une parfaite maîtrise des relations internationales. Tous ces gens rassemblés, ils n'ont pas la moindre idée de qui était vraiment l'homme qu'ils enterrent. Ils ne le sauront jamais, c'est parfait ainsi. Tout ce qui compte, c'est que Créange soit neutralisé. Neutralisé, certes, mais par une autre main que la nôtre. Je vais concentrer tous nos efforts sur la piste genevoise. Il faut retrouver ces assassins. Il n'en est pas question. Nous n'avons pas les ressources nécessaires et ce n'est pas notre objectif à court terme. Concentrez-vous sur sa fille. Mais il nous faut pourtant bien découvrir qui est derrière la mort de Créange. Votre maison, c'est le boulevard Mortier, pas le quai des Orfèvres. Hector Créange vous obsède à tort, alors que désormais c'est un détail. Je vous le répète, concentrez-vous sur la fille. Mais en remontant cette piste, on devrait enfin comprendre ce qu'il essayait de faire. Mathieu, cette conversation devient embarrassante. Ce n'est ni le moment, ni le lieu. Vous avez poussé Créange à la faute en intensifiant vos efforts pour le retrouver. Vous avez fait ce qu'on attend d'un bon soldat, trouver l'ennemi et le détruire. Le président en est très satisfait. Bravo. Et maintenant, suivez les directives. C'est compris. La patrie, la France. Gardaïa, Café des Sports, 15h. C'est Karim. Karim, qu'est-ce que c'est ce bordel ? Écoute-moi, j'ai voulu attendre avant d'en être certain, mais j'ai trouvé la fille de Créange. Elle est dans un hôtel à côté de Gardaïa où elle attend son père, tu te rends compte ? Il est en train de magouiller je ne sais quoi en Algérie. Hector Créange est mort. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Il a été enterré ce matin au cimetière du Montparnasse. Sa nécro est barrée dans le monde. Mais c'est pas possible ! Il est mort comment ? Crise cardiaque. Apparemment, c'était pas le dernier sur le whisky et les cigares. Oh, putain. Bon, hé, c'est terminé cette histoire. Tu rentres à Paris immédiatement. Je veux te voir après-demain au journal. Mais sa fille! J'étais à ça de le coincer. Elle peut sans doute m'aider à... Je sais pas... Oh, Karim! Le monde s'est pas arrêté de tourner depuis ton départ. J'ai un service politique à faire marcher. Et t'en fais encore partie. Si t'es pas à Paris après-demain, t'es viré, c'est compris? Ok. On peut quand même sortir l'enquête, non? La torture, les barbouzes de la droite, Mitterrand, il y a de la matière. Arrête! On peut plus dire rien du tout. Elle était enterrée en grande pompe avec tout le cratin autour de son cercueil. C'est fini. Il méritait de tomber en public. D'aller en prison. Je sais que tu voulais te venger ton père. Je t'avais dit que c'est une mauvaise idée. Les ordures l'ont démasqué, il y en a des centaines qui courent en Europe. Tu vas quand même pas t'apprendre que la vie est injuste. Allez, ressaisis-toi et rentre. Je te rappelle. Hôtel des Dunes, 18h. C'est moi. Ouvre. Et ouvre. Qu'est-ce qui se passe ? Ton père est mort. Mon père ? De quoi tu me parles ? Je sais qui tu es. Hector Créange est mort. Tu comprends ? Quoi ? Je suis journaliste, Sophie. Je travaille pour l'humanité. Je t'ai menti, j'enquête sur ton père. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Appelle qui tu veux, le monde, le bulletin quotidien. Sa nécrologie est partout. Il a été enterré ce matin. Tais-toi ! Allô, bonjour mademoiselle. Passez-moi les renseignements à Paris. Oui, j'attends. Merci. Toi, tu bouges pas. Allô ? Je voudrais joindre la rédaction du bulletin quotidien, s'il vous plaît. Bonjour. Je voudrais avoir la confirmation d'une information que vous avez fait paraître. Il s'agit de la mort d'un diplomate. Hector Créange. D'accord. Quand ? Merci. Sophie. Recule. Je m'appelle Jeanne et tu le sais très bien. Tu travailles pour qui? Les services secrets algériens, la CIA? Qu'est-ce qui te prend? Lâche cette arme. T'es malade? Je te l'ai dit, je suis journaliste. J'ai ma carte presse. Regarde. Je m'en fous de ton bout de papier. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Pourquoi tu me tournes autour depuis tout ce temps? J'enquête sur le passé militaire de ton père en Algérie. Je suis allé à Béchar. J'ai parlé avec Simna Hatfi. C'est elle qui m'a mis sur la piste de l'hôtel. C'est ton père que je voulais rencontrer. Comment connais-tu Smina? Hector Créange a commis des atrocités ici, pendant la guerre. Il a tué des innocents. Tais-toi! Mon père vient de mourir et tu l'insultes. Mon père est mort aussi! À cause de ton père! T'es pas la seule à être en colère. Maintenant, je sais pas pourquoi t'as une arme, mais je te demande de la baisser. Parce que je suis pas une menace pour toi. Et je te demande aussi de me laisser partir. Mon enquête est finie, je rentre à Paris. Il devait venir me chercher. Pourquoi t'a-t-il embarqué? Je peux pas t'en dire plus. Pour ta propre sécurité. C'est lui qui t'attendait ici? Tu vas faire quoi maintenant? J'en sais rien. Je suis recherchée. Par qui? Les Américains. La CIA. Je suis sûre qu'ils sont derrière la mort de mon père. Mais toi, dans tout ça? Il faut que je me signale auprès des services à Paris. Les services? Tu veux dire le SDEC? T'es certaine que tu peux avoir confiance en eux? S'il te plaît, ne rends pas les choses encore plus compliquées. Ce sont les seuls à pouvoir m'aider. Calme-toi. Prends le temps d'y voir clair. Je vais t'aider. Demain, on prend ma voiture jusqu'à Alger. On embarque sur le bateau pour Marseille. T'es un journaliste communiste et je suis une fugitive. Comment tu veux qu'on s'en sorte? Ah, tu peux venir chez moi à Saint-Ouen. Je suis en lien avec des réseaux militants, des copains de copains qui sont pas en odeur de sainteté avec la police. Hein? Tu te planques un moment si besoin. Je sais pas. Et quoi qu'il arrive, demain, on se met en mouvement. Oui, d'accord. Qu'est-ce que... Faites pas les marioles! Levez-vous calmement. De ce côté. Tu crois... Voilà, tu fermes ta gueule et tu bouges plus. Vous êtes qui? On est des citoyens français. Stop, Karim. Je t'en prie, fais ce qu'il te dit. Il est pas venu pour toi. Je suis journaliste. Je vous déconseille fortement de faire une connerie. Ferme-la ou je te bute. Toi, la gonzesse, habille-toi. Tu me parles sur un autre ton, connard. On est en Algérie, ici. C'est pas toi qui... Tu te tais. Tu te calmes. Tu vas faire exactement ce que je te dis si tu veux pas finir comme ton copain. On est d'accord? Bon. Alors, je vais enlever ma main de ta bouche. Si tu hurles, je t'abats. Ce que t'as volé aux Amerlocs, c'est où? Je suis asthmatique. Je fais une crise. Tu me prends pour un con. Habille-toi vite et ferme-la. Mon médicament. Réponds d'abord. Je peux pas respirer. Arrête de me faire chier, on quitte la chambre. Lève-toi et habille-toi. Le sac, là. Ok, où ça, dans le sac? C'est comment? Bleu, plastique. Y'a rien. Qu'est-ce que tu fais?